بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في المسألة 73 73 مسألة. يقول إيه تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. دي dans le sens où Allah عز وجل dit dans le sens dit venez je vais vous lire ce que votre Seigneur vous a rendu interdit illicite. Al-An'am verset 51. هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم. فيوهم أن معنى قوله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرام والواقع خلاف ذلك كما هو ضروري. Donc ce noble verset nous démontre que ce qui va être récité, c'est ce que Allah عز وجل a rendu interdit sur nous, leur a rendu interdit, leur a rendu illicite. Donc là, le sens du kalam, qu'est-ce qu'il laisse croire? Le contraire. C'est-à-dire que vous n'associez rien et que, qu'il faut être bienfaisant envers les parents. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que l'irsen, la bienfaisance envers les parents et le fait de ne pas faire de shirk, cela est haram. Alors qu'on sait très bien que c'est le contraire. Et ça, c'est Amr Daruri, une chose qui est évidente. Pour ceux qui n'ont pas compris, le verset dit quoi dans le sens ? Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a rendu illicite. Donc, c'est-à-dire ce qui va suivre par la suite, ça va être illicite. Qu'est-ce qu'il dit le verset ? Que vous n'associez rien à Allah. Donc on pourrait croire quoi ? Que Allah a rendu illicite le fait qu'on ne lui associe rien. Et d'être bienfaisant vers les parents. On pourrait croire quoi de cela ? Que Allah a rendu illicite le fait d'être bienfaisant vers les parents. C'est là qu'il y a la fausse impression. قال وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير للعلماء وبحوث ومناقشات كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها. Donc il dit que ce noble verset a engendré beaucoup de paroles de savants, beaucoup de recherches et beaucoup de débats, dont nous pouvons nous permettre de tout citer ici. C'est-à-dire que cette recherche ici, elle est résumée et assez brève. Mais il va citer certaines des paroles, certaines d'entre elles, les plus importantes. قال منها أنها سيرة كما يأتي. Donc en premier lieu, que le fait de dire سيرة, c'est-à-dire c'est en dehors du Coran, ce qu'on appelle سيرة, c'est harf qui est rajouté, dont le sens n'est pas celui qui apparaît. Et dans plusieurs versets, cela est présent. Et dans à la fin du livre, Inch'Allah, il va citer différents versets abordant justement cet ishkel l'orawi, lié à la langue arabe. Wa minha anna ma'na ubayyinuhu lakum li ay la tushriku wa man ata'a ash-shaytan mustahillan fa huwa mushrikun bidalil qawli ta'ala wa in ta'tumuhum innakum la mushrikun. Donc le sens veut dire quoi? Je vais en fait vous éclaircir pour que vous ne lui associez rien. Je vais vous éclaircir pour que vous ne lui associez rien. Car celui qui obéit à Shaitan en rendant illicite ou en rendant licite ce que Allah a rendu licite, il est mushrik. Comme encore l'air dans le sens où il dit, et si jamais vous leur obéissez, c'est-à-dire aux Shayatin, vous êtes certes des mushrikoun également. Des associateurs. Le fait d'obéir aux shayatines, c'est-à-dire en rendant halal le haram ou le contraire. Verset Sourate Al-An'am, verset 121. Parmi les réponses données également, An al-kalam tamma inda qawlihi harama rabbukum. Wa na qawlahu alaykum alla tushriku bihi ismun fi'lun yata'allaku bima ba'dahu ala annahu ma'mulun lah wa ma'muluhu. Également, on pourrait dire quoi que là, ce verset-là s'arrête au moment où on dit mahrama rabbukum, c'est-à-dire qul ta'alu atlu mahrama rabbukum. On s'arrête là, c'est-à-dire dit venez je vais vous citer, vous lire ce que votre Seigneur a rendu illicite. Quand même, et le alaykum de la fin du verset rentre dans le parti du verset, c'est-à-dire alaykum alla tushriku bihi shay'a وَبِلْوَالِدِينِ إِحْسَانَ. C'est-à-dire, vous devez ne rien lui associer et être bienfaisant vers les parents. C'est-à-dire, alaykoum, ça devient quoi à ce moment-là? Un ism fi'l, qui a un sens de ils aiment, vous devez faire. D'accord? Un sens de verbe à l'impératif. Alaykoum. C'est-à-dire, vous devez faire telle et telle chose. Donc, là, c'est une réponse également. En fait, il faut s'arrêter. Kul ta'alu atlu ma harama rabbukum. On s'arrête là. Et après, alaykoum, elle a touché ko bi shay'a. Et il y a eu d'autres réponses qui ont été données. ثم قال وأقرب تلك الوجوه عندنا هو ما دل عليه القرآن لأن خير ما يفصل بالقرآن القرآن وذلك هو أن قوله تعالى أتلو ما حرم ربكم مضمن معنى ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا وإنما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفع هذا الإشكال وبين مراده بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فيكون المعنى وصاكم ألا تشركوا. Donc il a dit maintenant le wajh, la réponse qui paraît comme étant la plus proche de la vérité pour lui, c'est tout simplement ce qui a été démontré par le Coran lui-même. Car la meilleure façon d'interpréter le Coran, c'est d'utiliser le Coran lui-même. Donc ça veut dire quoi? Je vais lire ce que votre Seigneur a rendu illicite. C'est quoi le sens, en fait? Je vais vous lire ce que votre Seigneur a exhorté de faire ou de délaisser, en fait. Je vais vous lire ce que votre Seigneur a exhorté d'accomplir ou de délaisser. Et cela est démontré justement par quoi? Par la fin du verset. Car dans le sens où Allah dit, à la fin du même verset, que c'est ce que votre Seigneur vous exhorte afin que vous puissiez craindre. Voici ce que votre Seigneur, ou plutôt voici à ce à quoi votre Seigneur vous exhorte pour que vous puissiez craindre. Donc ça veut dire quoi? C'est la wasiya d'Allah Azzawajal, ce à quoi il nous exhorte. Donc ça veut dire quoi? Fayakun el ma'ana, le sens du verset en réalité, c'est ce que votre Seigneur vous exhorte, c'est de ne pas lui associer et d'être bienfaisant envers les parents. Azzahu. Après, cita des vers de poésie qui appuient ce sens-là, et celui qui parle le plus proche comme étant celui de la vérité pour l'auteur. Mais qu'on a tous compris, bien évidemment, ce que veut dire le verset. Mais c'est pour ça qu'il y a un ishkel qui apparaît pour certaines personnes en disant que Allah dit qu'il nous interdit des choses, et après, il affirme de ne pas faire telle chose-là. Donc, hazaou. Le sens choisi par l'auteur, c'est que « Mahrama rabbukum alaykum ay ma wassakum bihi tarkan wa fi'lan » Ce que votre Seigneur vous a enjoint de faire, vous a exhorté de faire ou de délaisser. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Et de là s'achève le dernier ishkel présent dans Sourate Al-An'am qui par la suite nous fait rentrer dans Sourate Al-A'raf. Walhamdulillahi rabbil alamin.